On va parler de golf avec notre ami Roger Caron du club de golf de Saint-Prime. Salut Roger. Hey, salut Yannick, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Évidemment, c'est la chronique du club de golf à tous les mardis. Roger, t'avais un tournoi senior aujourd'hui à Saint-Prime de cette chaleur-là. Oui. Est-ce que tu as eu beaucoup de monde? Ça a été très, très, très bon. Je te dirais qu'on a eu au-delà de 100 personnes. OK. Et même, on a beaucoup de personnes aussi pour le souper. C'est un succès. Alors, la semaine passée, on avait eu de la pluie. Okay. On avait cancellé. Et naturellement, cette semaine, regarde, on en profite. Puis les gens ne trouvent pas que la température, c'est quand même trop. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec les quarts. Alors, ouais. Ça va très, très bien. OK. Alors, présentement, je fais des belles performances sur le terrain. Je peux pas te les dire, mais je sais qu'il y a de très belles performances. On a parlé à des gens avec les deux neufs, puis ça allait super bien. OK, donc demain, j'imagine, ça va être dans le quotidien, donc on va vous les communiquer dans le bulletin de sport local demain. Exactement. OK, dis-moi maintenant, catégorie junior, il y avait un tournoi en fin de semaine, la semaine passée, devant les résultats, finalement, ce que tu m'as dit, c'est que tu as eu quand même des performances extraordinaires. Oui, moi je te dirais, Dani, regarde, la semaine passée, c'était le tournoi junior régional. OK. Le Dieu qui regroupe tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau. Alors, on avait une grande participation dans beaucoup de catégories, juvéniles, juniors, filles, bantam, moustiques, puis oui, en tout cas, bref, on avait beaucoup, beaucoup de jeunes de partout. Mais ce qu'on doit souligner, c'est dans la catégorie junior, un jeune William Littlejohn, okay. Qui a fait une performance exceptionnelle. La première journée du mercredi, a fait 76. Okay. Mais ce qui est exceptionnel, c'est le jeudi, il a fait 32 à l'aller, oh. 36 au retour, pour un total de 68. Okay. Alors, pour un jeune junior, c'est exceptionnel. Alors, il y a un total de 144 sur les deux jours. Et présentement, Danny, je te dirais que sur le premier neuf, l'aller, 32, avec la nouvelle configuration, c'est un record présentement. Hey, okay. Alors, on avait eu des 33, mais là, présentement, c'est 32. Alors, on est bien content pour le jeune. C'est vraiment magnifique. Okay. Et dans la catégorie des filles, on a Adrienne Allard, qui avait fait un 83 le mercredi, mais c'était exceptionnel, c'était le jeudi. Elle a fait un 35 à l'aller, ça veut dire moins 1, et un 36 au retour, qui a joué le par, pour un 71. Alors, c'est vraiment de très, très belles performances pour nos juniors, nos juvéniles, les filles. Alors, c'est vraiment des belles performances. OK. Donc, maintenant, vas-y avec les promotions. Bon, les promotions, naturellement, on a toujours les promotions de nos travailleurs, mais on a aussi toujours nos fameuses promotions du matin, très tôt, les quatuors à 120 $ avec la voiturette, un panier de balles, 4 personnes, pour 120 $ taxes incluses. Et nous avons les duos à 70 $ avec le panier de balles, etc., etc. Alors, c'est très bien. Et s'il y a des gens qui veulent jouer des 9 trous, on a aussi des belles promotions de bonheur le matin, 40 $, 9 trous, la voiturette comprise. Alors, c'est vraiment des belles promotions. Venez nous rencontrer, le terrain est en excellentes conditions. Alors, on invite les gens à venir nous voir. OK. Donc, ça fait pas mal de tour pour cette semaine? Oui, et là, naturellement, une autre affaire que je tiens à dire, ouais. Dernier, on a la classique Lac-Saint-Jean. Oui. Le 1er 2 septembre, c'est très important. Une belle classique à deux joueurs dans toutes les catégories. Alors, c'est Continuous Mulligan. Et puis, c'est un très, très beau tournoi. On invite les gens à s'inscrire, membres et non-membres. OK. Alors, ça se passe le samedi allemand et le dimanche à Saint-Prime. OK. Donc, on se reparle prochainement? Oui, la semaine prochaine, Daniel, on se rappelle. OK. Donc, voilà, c'est la chronique du club de golf de Saint-Prime avec Roger Caron.